Vous jouez dans des pièces de théâtre, au ciné quelques apparitions. Peu de gens vous idolâtrent, mais vous vivez de votre passion. Oh, oh yeah, oh yeah, ah, yeah. Oh. Ah. Hein ? C'est fini là ? Bon bah pour te récompenser, il y a une chanson bonus en plage 36. C'est mon premier enregistrement. Oh.